Et alors les recettes brioises, qu'est-ce que c'est que vous connaissez comme recette brioise? Vous en avez déjà enregistré les kicks. Les kicks, vous avec les faites, la blette. Ouais. Avec la blette. Oh. Ça beaucoup, mais bon. Ça se fait comment? Alors ça, vous prenez la blette, vous la coupez un peu fine, et puis vous la lavez bien comme il faut, puis moi j'y mets du sel pour le faire, je le sale, vous savez, oui, oui, oui. Pour le faire bien rendre l'eau, mm-hmm. vous savez, le fort, parce que ça rend de l'eau verte, mm-hmm. et puis quand je l'ai laissé, mettons, une heure ou quoi, dans cette salée, mm-hmm. dans ce sel, après je les prenais, je les hachais très très fin avec la choix, avec la choix. Je les esquissais bien, et puis alors je me faisais la pâte. Je mettais sur la planche et j'y mettais ma farine auto, mm-hmm. avec un peu de sel, un peu d'huile. Des fois de sel j'en mettais pas parce que je les avais déjà salées. Et puis je me fais tresser mes pâtes, je me faisais mes pâtes. Mm-hmm. Et les kikis, c'est des pâtes... Des pâtes vertes, plates. Plates. Oui, oui, comme des tagliarini là. Mm-hmm. Oui, ça on se les faisait nous-mêmes. Et ça m'arrive encore maintenant de me les faire toutes seules. Ah oui. Que je suis tout seul, je les fais. Ah oui, vous en faites. Ah oui, oui, oui. C'est comme les raviolis, il y en a qui disent. Et vous, vous avez appris comment à faire tous ces plats? Ah ben écoutez, moi je sais que j'étais haute comme ça là. J'avais ma mère très malade. Je ne savais pas ce que c'était là. En fait, elle était malade. Alors une fois, elle avait pétri dans la... Comment on appelle le pétrin, vous savez, à Mastra, nous on lui disait. Comment vous dites? À Mastra, uh-huh. le pétrin. Et alors, elle ne pouvait pas, elle avait un malaise, elle ne pouvait pas. Alors elle m'a dit, elle m'a donné une petite chaise, petite comme ça, puis je ne gardais pas. Et elle m'a mis des choses dessous, je suis montée, puis elle me faisait voir comment il fallait. Ah oui. Et je me suis pastissée, mais j'ai fait le pain. Ah, vous aviez quel âge? Oh, je ne sais pas si j'avais 10 ans. Ah bon? Et quand nous étions à la campagne, ma mère jamais, elle ne voulait pas faire à manger. Ah bon? Elle le faisait quand elle était obligée, mais sa femme ne le faisait pas. Ah oui. Elle me dit, allez, va faire manger, tu fais plus vite que moi, tu fais... Et vous savez, je faisais à manger. Ouais, à partir de l'âge de 10 ans, alors vous avez de commencé? D'une dizaine d'années, j'avais. Et... Ah oui. Oui. Et qui c'est qui s'occupait du four? Ah ben, ils étaient 4 ou 5, une semaine ah, oui. chacun, parce qu'il fallait porter le bois, il fallait chauffer le four, qu'il fallait... Alors, et pour payer, des fois, on n'avait pas le sou pour donner la paye, ah, pour oui. payer le... Alors, on lui donnait un pain, on faisait une petite tourte pour celle qui... Parce qu'il y avait la femme qui fournait, vous savez, mm-hmm. qui mettait le pain, et le monsieur qui portait le bois, ils étaient deux. Ah, oui. Et alors, c'était le mari et la femme, ou c'était... Oh, des fois, c'était non. des autres, ah, oui, oui, oui. Oui. Non, non, le mari et la femme, Non, qui mettait le pain au four et qui est... Non, non, non, c'était une femme. Mm. Parce qu'avant, on prenait l'argent comme il y avait, parce que vous savez, c'était misérable. Hein, mm. L'argent, il n'y en avait pas. Hein. Mm. Il y avait le boulanger et il y avait le four communal. C'était deux choses différentes. Ah oui, deux choses. Lui, le boulanger, n'avait rien à faire avec le four communal. Le four communal, c'était ceux qui prenaient... Parce qu'il allait à l'enchère, le four, vous savez. Mm. Alors celui qui... C'était lui à s'occuper du four. Il faisait tout ce qu'il voulait. Mm. Mais ça, le four communal, il a été fermé à quelle époque, vous souvenez? Il y a bien longtemps, le four communal. Après la guerre, 45, on ne l'a plus ouvert. Ah, voilà. Non, ça a été avant. Les gens avaient déjà des fours dans les campagnes ou ils les oh, ont oui. fait après? Oh oui, oui, déjà les fours dans les campagnes. Mais vous, quand vous étiez petite, vous descendiez à Breil pour faire cuire le pain ou vous le faisiez à la campagne? Non, non, non, descendez à Breil pour faire cuire le pain. Alors le soir, on mettait la levure, on prenait on mettait le levain, le matin, on le repétrissait, on en faisait une de ces comédies et tant. Mais c'était du bon pain. Hein. Mm. Non, on n'a jamais acheté ni une pomme de terre, ni du pain, rien. Les pâtes, on n'achetait pas les pâtes. Non, jamais. Quand on achetait des pâtes, on mettait des fêtes ce jour-là. Ah oui. Et oui. Mais on se faisait, alors un jour c'était les gnocchi, un jour c'était les kicks, un jour c'était les tugeli. Je ne sais pas si vous connaissez les tugeli. Je ne sais pas. Non. C'est de. Faites votre pâte, Et puis vous les coupez en petits congléons, et puis avec le doigt comme ça, vous le faites avec les raies, là, comme ça, je ne sais pas si Madame Moreau doit le... Je ne sais pas. Avec le doigt comme ça, ça c'est les tigelli. Ah oui, et vous les faites? Oui, je me les fais encore maintenant. Ah oui, et c'est puis, pas difficile à faire? Non, ceux qui savent, le coup, c'est le coup du doigt. Ou alors après, on large, vous, large, vous faites votre pâte, on l'étale bien, bien large, bien mince. Puis vous faites des petites ganses, des petits papillons, vous savez, quand vous achetez. Alors, on les pincelle au milieu, vraiment, comme on... Et ça s'appelle comment, ça, en briois? Et papayon. Papayon. Et papayon. Et qu'est-ce que c'est, écrousiti? Écrousiti, c'est ça. Pareil. C'est ah bon, ça, d'accord. C'est ça, écrousiti. Oui, ah, oui, d'accord. Je voulais le dire, et puis je dis des papillons, mais c'est l'écrousiti. Après, les tagliarines à l'œuf. Oui. Mais c'est toujours la même pâte qu'on fait? Oui, toujours la même pâte. C'est-à-dire, c'est de la farine? Mettons les taillarines, si vous voulez faire un taillarine à l'œuf, vous les pétrissez avec... vous mettez deux œufs, vous pétrissez avec vos œufs et un tout petit peu d'huile. Alors ça, c'est... Alors ce jour-là, c'était fête, hein, ah bon? C'est ça. C'était un repas, quelque chose qu'on faisait que le dimanche ou qu'on faisait même... Mais ceux qui voulaient le faisaient quand ils voulaient. Mais enfin, vraiment... c'était un dimanche, oui. Et le ravioli aussi. Le ravioli, c'était un repas de fête? Ah oui, ça, le ravioli, c'était un repas de fête. Alors ma mère, elle achetait la dope, elle faisait la dope. Alors là, et... On s'était brouillé, mais pas mal. Oui, oui.